有free your mind。Are you free？

Thank you. Shut the gate. comment ça veut dire quoi? C'est la deuxième langue. Oui, alors ça c'est très bien.